Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici le huitième et dernier volet d'une série d'émissions que les radios publiques francophones consacraient aux aspects du sacré dans le monde moderne en 1974. C'est la question de la violence et du sacré qui vient conclure cette grande réflexion. La violence et le sacré, évidemment, on parlera ici des thèses de René Girard qui avait publié son fameux ouvrage d'anthropologie sur le désir mimétique 2 ans plus tôt. Le sacrifice, la violence rituelle, ce qui détruit ou ce qui soude les liens entre les hommes, ce sont quelques-unes des grandes questions abordées dans cette émission. Aspects du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Aujourd'hui, la violence et la guerre comme manifestation du sacré. Une théorie contemporaine, dont on trouvera notamment l'écho dans les travaux de Roger Caillois, suggère que l'ultime refuge du sacré dans nos sociétés industrielles est la violence, et en particulier la violence organisée dont la guerre est la parfaite expression. L'étude du phénomène guerre, pour reprendre le titre d'un de ses livres, est inséparable du nom de Gaston Boutoul, le fondateur de la polémologie. Si on peut définir le sacré comme le définissaient les Romains, c'est-à-dire ce qui est extra commercium, ce qui n'est pas dans le commerce, ce qui ne peut pas s'acheter, se vendre, ni se donner, évidemment, les valeurs sacrées les plus élevées sont les valeurs religieuses. Mais on est bien obligé de constater que dans le monde moderne, beaucoup des valeurs sacrées traditionnelles sont en déclin. Ce n'est pas qu'elles aient disparu, mais enfin, elles ont moins de virulence. Mais la violence n'a rien perdu pour attendre, parce que l'affaiblissement de la notion du sacré dans d'autres domaines fait que le sacré se concentre sur la violence, et en particulier sur ses manifestations les plus gratuites, donc les plus sacrées. N'est-ce pas ? Par exemple, la violence peut être le crime pur et simple, ça peut être le brigandage, ça peut être la rapine des sociétés, les kidnappings, tout ça, ce sont des violences aussi terribles que les autres. Mais et ce sont des violences qui ont un but en quelque sorte commercial. Ça n'est pas le sacré. C'est pour un gain illicite, un gain qui est criminel, mais c'est un gain. Tandis que le sacré, c'est le gratuit. C'est le fait que l'on donne sa vie ou qu'on en ôte la vie des autres, sans aucune espèce d'intérêt immédiat. On le fait pour des considérations élevées, dites élevées, enfin, n'est-ce pas ? Ben voilà donc les manifestations du sacré. Et puis, nous avons d'autres domaines qui sont du même ordre, c'est-à-dire dans le domaine de la virulence politique et dans le domaine de la virulence idéologique. Mais l'idéologie change. Par exemple, on se bat moins pour les religions, mais on se bat davantage pour les idéologies politiques. Des gens qui se moquent de ceux qui, au XVIe siècle, se massacraient pour une phrase de Saint-Augustin, eh bien maintenant, trouvent naturel qu'on se massacre pour une phrase de Marx ou pour une phrase de Jefferson, enfin, pour prendre des doctrines politiques très différentes, ou alors par nationalisme. Le nationalisme est devenu, comme disait un pape d'ailleurs, la grande hérésie des temps modernes, parce que c'est effrayant, les sommets de violence auxquels on atteint par nationalisme. C'est une évolution de la violence. Et on peut dire que la violence s'attache moins au sacré, mais ça n'est pas la véritable réalité. La violence continue à être surtout alimentée par le sacré, parce que ça n'a pas de limite. Le banditisme où le vol ou l'assassinat ont des limites. En général, ça porte sur très peu de gens. Mais quand ce sont des valeurs sacrées, peu importe qu'elles soient nouvelles ou anciennes, et qu'on se massacre au nom d'une idéologie religieuse ou au nom d'un parti politique. Mais là, dès que ça se manifeste, ça porte sur des grands nombres, n'est-ce pas ? Et donc, il n'y a aucune comparaison entre la mortalité provoquée par le sacré et la mortalité provoquée par la criminalité. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu mieux quelle est la nature de ce lien, ou plutôt de ce passage, du besoin, disons, humain de sacré à la guerre ? Là, je suis obligé de faire allusion à des théories sociologiques qui sont à l'état de recherche et dont je ne peux pas parler même avec certitude. Ce sont des hypothèses. Mais ces hypothèses sont frappantes. Elles indiquent que chaque fois qu'on considère, qu'on constate qu'il y a une grande ambiance de violence, elle correspond à certaines structures sociologiques. Par exemple, à une certaine structure de la population ou à une certaine structure de l'économie et même à une certaine périodicité dans le temps et même aussi dans des considérations de géopolitique. Et donc, dans ces cas-là, il y a une agressivité diffuse dans les sociétés et ces agressivités, en fait, s'emparent, si j'ose dire, d'un prétexte et des idées à la mode. Là, ça doit tenir, et ça c'est un phénomène dont on peut craindre qu'il ne se diffuse davantage, surtout dans le tiers-monde. Ça tient à la structure démographique. La pyramide des âges est caractérisée par un nombre de plus en plus grand d'hommes jeunes. Ça c'est une propension très nette à la guerre. D'ailleurs, en ce moment-ci, en Europe, les pyramides des âges étaient en général très très affectés par la guerre, n'est-ce pas ? La guerre de 40 et de 14, si vous prenez les pyramides des âges statistiques, vous voyez tout de suite combien il y a des coupes sombres qui font que le nombre des hommes jeunes entre 20 et 40 ans, ce qui est l'âge de la guerre, est relativement faible. Mais Dieu sait, si de nouveau nous atteignons une proportion de jeunes très forte, comme dans certains pays. Vous voyez, par exemple, dans le pays où il y a eu la guerre la plus extraordinaire et la plus folle, elle s'est arrêtée, heureusement, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'armes. C'est le Honduras, il y a 2 ans, où, à propos d'un match de football, a éclaté une vraie guerre avec des chars armés, des bombardements, et même des bombardements par avion. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin, il y en a eu un certain nombre, et on a eu la pudeur de ne pas nous dire combien de victimes ça avait fait. Eh bien, ce sont des pays dans lesquels plus de 60 et davantage de la population ont moins de 20 ans. Par conséquent, ce sont des pays dans lesquels la pression de la jeunesse, qui est par définition agressive et agitée, turbulente, c'est un des charmes de la jeunesse, une de ses séductions, mais enfin un de ses dangers également, n'est-ce pas ? Eh bien, c'était la caractéristique. Eh bien, j'ai peur que nous nous acheminions de nouveau vers une structure de ce genre. La raison d'être de la polémologie, qui est la science à laquelle je travaille, n'est-ce pas, avec d'autres, bien entendu, c'est d'étudier le comment et le pourquoi de ces accès de violence collective. Quand c'est accès dans la violence d'un monsieur tout seul, bon, à la rigueur, il se bat ou il casse sa vaisselle. Mais Pourquoi la violence collective? Tout à coup, une nation entière est-elle prise de délire, et de délire virulent, de délire aboutissant à une espèce de folie furieuse? Ça, c'est le problème sociologique par excellence, et on est loin de l'avoir résolu, mais enfin, nous nous battons pour le résoudre, ou tout au moins pour en approcher, enfin, essayer d'y voir de plus en plus clair. Et par quel côté abordez-vous le sacré, alors, dans cette optique? Vous savez, le sacré, au point de vue de la violence, vous voyez, ce sont des croyants. Le sacré est essentiellement affaire de croyance, n'est-ce pas? Affaire de croyance ou affaire de manifestation. Alors, vous avez deux thèses. Les unes qui incriminent les croyances, qui vous disent le sacré est source de violence. Mais, et ce sont les idées explicites. Ils vous disent, voilà, parce qu'on croit telle chose, donc on est porté à la violence. D'autres vous disent pas du tout. Il y a des espèces de réactions violentes dans les organismes sociaux, et le sacré n'est qu'un prétexte ou une interprétation. Ce n'est pas la vraie cause. Alors vous avez par exemple la thèse « La violence et le sacré » de René Girard, qui est une très belle étude sur la tragédie, sur la tragique, et qui montre une série de croyances anthropologiques, mystiques, si on peut dire, qui sont à la source de manifestations de violence. Les thèses de René Girard dans ce livre, justement, est-ce qu'elles vous satisfont personnellement? Pour René Girard, la tragédie est une espèce de purification mystique, n'est-ce pas? Le sacrifice, en général, toutes les religions, presque, enfin la religion archaïque, comporte tout un sacrifice. Nous oublions, par exemple, que tous ces magnifiques temples de l'Antiquité, sur des promontoires, ornés des plus belles statues du monde, et avec des colonnes de marbre, etc., étaient des abattoirs, en réalité. C'était des abattoirs rituels, dans lesquels, avec accompagnement de cantiques et de prières, on tuait les animaux. D'ailleurs, on les mangeait après, sans que ce n'était pas perdu. Moi, je suis contre les sacrifices inutiles, n'est-ce pas? Là, au moins, on brûlait un petit peu pour les dieux, qui se contentaient de l'odeur de certaines parties particulièrement précieuses, et le reste était consommé par les fidèles. Il est évident que le sacrifice de la vie, la suppression de la vie de certaines personnes désignées ou de certains animaux désignés qui remplissaient les personnes, à l'origine, on croit qu'à l'origine, presque partout, les sacrifices étaient humains et puis petit à petit, ils ont été remplacés par les sacrifices d'animaux. C'est d'ailleurs l'une des théories qui accorde une si grande importance au sacrifice d'Abraham, c'est que on dit que le sacrifice d'Abraham a été le passage du sacrifice humain au sacrifice d'animal. Mais à la même époque, chez d'autres peuplades sémitiques, il y avait encore des sacrifices humains. Et la Bible contient des punitions très graves pour les gens donc qui, imitant leurs voisins sémites comme eux, c'est-à-dire les Phéniciens ou d'autres peuples, des peuples changeaient tout le temps de nom en ce temps-là, et enfin, avait des cultes qui comportaient des sacrifices. Et surtout le sacrifice du premier-né, parce que le sacrifice du premier-né était l'offrande aux dieux, c'était les prémices, n'est-ce pas? Alors on offrait aux dieux le prémice d'une série d'enfants que l'on attendait, que l'on espérait, alors on lui en donnait le premier. C'est comme ça que ça se passait chez les Phéniciens notamment, où on brûlait les premiers-nés. On a cru longtemps que c'était une calomnie des Romains, jusqu'au jour où à Carthage, on a trouvé les ruines d'un temple dans les fouilles. Et on a trouvé des milliers, paraît-il, de petites urnes qui contenaient des ossements d'enfants calcinés. Et j'en ai même vu chez les antiquaires, parce que pour les touristes, il y a un marché noir des urnes sacrificielles. Eh bien, voilà, donc ce sont là des idées générales. Mais la conclusion de ces idées générales, c'est que, évidemment, la violence prend cette tournure. Voilà, la violence du sacré prend deux genres. Par exemple, lorsqu'il s'agit de cérémonie, elle est limitée, parce qu'elle est de sang-froid. Quand on brûlait quelques enfants au temple de Baal, eh bien, on ne brûlait que quelques enfants. Les dégâts étaient limités. Ce n'est pas réjouissant pour ça. Mais enfin, les dégâts sont limités. Mais lorsque le sacrifice prend la forme, par exemple, du sacrifice des prisonniers, comme le pratiquaient, par exemple, les Assyriens. Alors là, ça n'a pas de fin. Enfin, ça atteint des chiffres de victimes gigantesques. Les Aztèques, par exemple, qui n'étaient méditerranéens ni sémites, pratiquaient les sacrifices humains à une échelle effroyable. Et en plus, au moins, ils servaient à quelque chose parce qu'on mangeait les victimes. Sur le plan utilitariste, c'est une consolation, si on peut dire. Pierre Deleux, qui dirige à Anvers, en Belgique, l'Institut pour l'étude des conflits, exprime quant à lui un certain scepticisme en présence des théories qui veulent établir un lien trop strict entre la violence et le sacré. Il est assez difficile de juxtaposer, à mon avis, du moins, ces deux termes, sacré et violence et guerre. Je voudrais, si on veut essayer de rapprocher ces deux termes, ajouter un troisième et passer par la notion de pouvoir. Parce qu'il est évident qu'il y a une relation entre le pouvoir et le sacré, surtout dans les sociétés traditionnelles, et je crois aussi dans ce qu'on pourrait appeler les sociétés dictatoriales. Là, donc, il y a sûrement un lien entre pouvoir et sacré. Et si on veut insérer la violence dans ce système ou dans ce cadre, il faudrait peut-être dire que la violence sert dans ces situations-là à désacraliser. Il y a deux situations qui peuvent se produire. D'abord, on essaye d'éliminer un dictateur ou on essaye d'éliminer le pouvoir traditionnel et on remplace par d'autres personnes. Là, il s'agit simplement de ce qu'on pourrait appeler une révolution de palais. Une deuxième situation qui va beaucoup plus loin, là, on n'essaye pas de remplacer seulement les personnes, mais on remplace ou on attaque les institutions. Donc, par la violence, on pourrait dire qu'on désacralise l'institution. Une forme particulière de la violence, c'est la révolution. Est-ce que la révolution peut parfois avoir un caractère sacré ? Je vous ai dit là tout à l'heure que j'hésite un peu à lier ces deux notions, mais il est évident que dans certains cas, il peut y avoir une certaine sacralisation, surtout du meneur, si vous voulez. Je crois que, par exemple, des personnages comme Che Guevara ont un élément de sacralisation autour d'eux. La Révolution française, ce n'était pas une fête sacrée ? Je crois que les historiens ont fait une fête sacrée de la Révolution française. Il faut bien dire naturellement qu'il y a là un élément de désacralisation évidente quand on a renversé la royauté, qui au fond à cette époque-là avait déjà très peu de pouvoir. Et dans mai 68, vous ne voyez pas un élément sacré ? J'hésiterais à employer ce terme. Excepté peut-être dans certains cas où, je ne sais pas s'ils ont existé beaucoup, où on recherche la violence pour la violence. Là, il serait possible de parler de sacralisation de la violence. La violence pour la violence, vous pensez à ce qui s'est passé par exemple au Japon, où il y a des groupes ou des groupuscules qui se consacrent à une espèce de mystique de la violence. Oui, oui, oui. Là, je crois que dans ce cas-là, il est bien clair qu'il s'agit de sacralisation de la violence. Mais je crois que dans les autres cas, la violence n'est que moyen. Thank you. sociologue Léo Moulin, la violence peut être le substitut d'un besoin religieux qui serait, selon lui, fondamental chez l'être humain. Je crois qu'en vérité, l'homme est un animal religieux. C'est un animal religieux, au sens propre du mot, n'est-ce pas? Peu importe sur quoi porte son sentiment religieux, ses besoins, son manque de sacré, le porte vers des formes de religiosité plus ou moins parfois extravagantes, ou plus ou moins concrétisées, structurées, institutionnalisées. Mais c'est un animal religieux parce que c'est un animal social. Si vous le privez de sa religion, par suite d'un effort critique, par exemple, comme ça s'est passé au XIXe siècle, il est en état de manque, comme on parle d'un drogué qui se trouve en état de manque. Et dans ces conditions, il cherche un ersatz, un substitut à cette religion qui l'a quand même animé, dominé pendant des millénaires. Et où peut-il le trouver aujourd'hui ? Bien, d'abord, il recrée artificiellement toutes sortes de religions, c'est ce que j'ai dit à propos des religions séculières, fascisme, nationalisme, communisme. Ça, c'est une première solution. Il y a toutes les formes, évidemment, les substituts de toute espèce, les communions genre Woodstock, enfin, n'est-ce pas, à un niveau certainement plus bas. Mais ce phénomène lui-même est déjà la preuve qu'il y a un besoin très profond chez l'être de se retrouver, de se regrouper, de communier au sens propre du mot. Vous me parliez de la guerre et de la violence, mais il y a quelque chose de sacré, bien entendu, là-dedans. Il y a le sang, il y a la présence du sang. Et le sang a toujours été, dans toutes les religions, porteur de sacré. Objet d'horreur, objet d'admiration, objet de désir, peu importe, enfin, n'est-ce pas, mais ça a toujours été, toutes les religions sont axées sur des attitudes profondes, profondément ressenties à l'égard du sang. La violence et la guerre, à notre époque, évidemment, c'est l'occasion des grands sacrifices humains. Au fond, c'est Moloch qui recommence, enfin, n'est-ce pas ? Soit sur le plan individuel, c'est la violence individuelle, ou des petites bandes, qui sont encore une forme de communion primitive, c'est la reconstitution de la communauté première, enfin, n'est-ce pas ? Sur un autre plan, selon d'autres idéaux, je m'empresse de le dire, mais enfin, c'est un fait. Et la guerre, alors, c'est la grande communion. C'est la grande communion, et quand ce besoin est expliqué et justifié par une idéologie politique, alors tous les sacrés se conjuguent. Et vous avez les formes actuelles de la guerre révolutionnaire qui cumulent véritablement tous les facteurs possibles de sacralisation. Une idéologie politique, bien souvent un sentiment racial ou raciste par conséquent à l'égard de l'ennemi, bien souvent un sentiment religieux traditionnel, alors les religions qui prennent le relais, n'est-ce pas, pour inciter les gens au combat, la propagande politique, enfin, n'est-ce pas, tout ça s'accent sur ce besoin du sacré humain. Le besoin du sacré humain qui implique nécessairement le sacrifice. Le mot sacrifice vient de sacré. Et qui implique nécessairement, alors, autre forme d'intolérance, le sacrilège. C'était « La violence et la guerre comme manifestation du sacré », une émission de Marcel Kroes avec des témoignages de Gaston Boutoul, Pierre Deleu et Léo Moulin, collaboration Jean Rizière-Nadal, réalisation Ronald Tenen, collaboration technique André Thompson. « Aspect du sacré dans le monde moderne » est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission était la dernière d'une série de 8, première diffusion sur France Culture le 31 août 1974. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. We used to have good times together. but now I feel them slip away. It makes me cry to see love die, so sad to watch good love go by. Remember how you used to feel, dear. You said nothing could change your mind. It breaks my heart to see a spark so sad to watch good love go by. Is it any wonder that I feel so blue when I know for certain that I'm losing you? Remember how to feel, dear. You said nothing could change your mind. It breaks my heart to see a spark so sad to watch good love go by. Good love go bad.